Nous écoutons. Oh, like a French guy. Duta TV. Écoutez et répétez. That's what our tapes would always say. Oh, look, there we are. There we are, okay. Nous écoutons, right? Nous écoutons. Is that right? You're watching. Nous écoutons. Duta TV. Oh, that was good. Nous écoutons. Duta TV. Everythingisterrible.com. Soixante et dix pour cent. J'aurais du classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Bonjour les amis, on est à 70% au complet et je suis avec mon ami Jules Falardeau, avec qui on va parler un petit peu tantôt, mais avant... Un petit découpage de ça va être quoi, ce 70%-ci. Vous inquiétez pas, il y a plein de monde, fait qu'il y a plus de gens qui donnent le strict minimum. On va garder la moyenne de C+, qui nous est tellement importante. Andy, qui va venir faire les nouvelles à la place de Bruno, qui est là quand même. On a Mathieu Boudreau, j'ai entendu dire qu'il est un petit peu frustré après la société. J'ai aussi Louis-Ernest Bois, qui va venir nous présenter des œuvres qu'il a faites, dont la critique de la raison pure. Une œuvre en l'honneur d'Hubert Reeves, qui est un de mes idoles. J'ai bien hâte de voir ça. On a également, là j'oublie quelqu'un, c'est Simon Préjean. C'est ça. Ça va venir parler d'affaires bien spéciales. C'est ça qui arrive. Et puis le long métrage qui a été voté au www.douteux.org, c'est Interzone. Un film de 1987 fait aux États-Unis par de l'argent états-unien. Là, on en reparlait tantôt. Pour l'instant, Jules, bonsoir. Bonsoir. Jules, cinéaste, musicien, qu'est-ce que tu es content de ne pas avoir fait dans ta vie encore? De la poterie? Ouais, j'ai jamais touché à ça, mais ça manque pas. OK, j'aime ça. Puis, c'est quoi la chose que tu es le plus content d'avoir faite à date? Ben, je suis bien content d'avoir fait le film sur Reggie Chartrand. Moi? Ouais. Pis ça, le film sur Reggie Chartrand, c'est sur les internets, je pense. Ouais, disponible sur le www.resistancequébécoise.org. OK. Il est disponible là. Sinon, des gens l'ont mis sur YouTube aussi, en partie séparée, puis voilà. Et voilà. Puis toi, tu t'es pas plaint, toi, t'es content que ton affaire soit Moi, je voulais que ça circule, puis... Ouais. Ah ben, checker ça sur YouTube, donc Reggie Chartrand. Pourquoi t'as choisi un personnage politique? Ça t'intéresse, ce sujet-là? Ben moi, je croyais que Reggie Chartrand, c'était... Quand j'étais petit, je le voyais à la boxe, puis je croyais que c'était juste un ancien boxeur et tout. Puis j'ai lu son livre un moment donné, puis... Il sait écrire. Ouais, mais c'est ça m'a surpris. Pas que j'avais un préjugé de ce côté-là, mais de voir que c'était un intellectuel de la rue, si on veut, puis que tout ce qu'il avait fait... Du Dolorama, genre. Ouais, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais, c'est ça. Et puis, à un moment donné, je me demandais pourquoi que personne n'avait rien fait sur lui, puis j'ai dit, Chris... Je vais le faire. Hein. T'as patché. Ouais, t'as-tu un autre sujet qui te tente, qui s'en vient? De quoi de gros? Je travaille avec mon bon ami Naïm. Mais ça, c'est une surprise, en fait. On regarde ça. Au bateau, On viendra vous le présenter, une entrevue exclusive, quand ça sera le temps. Ah, c'est-tu l'affaire avec Gaétan de l'autre soir? Okay. Bon, on n'en parle pas trop. OK, c'est pas ça que je viens de faire, pas en tout. Mais à 70%, on est très, très comme une vote, tu sais. Ouais, j'en doute pas. C'est ça, c'est sûr. Tout ce qui se passe à 70% reste à 70% et est archivé sur le net. Okay. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? J'ai joué beaucoup, moi. Il y en a beaucoup qui disent ça. J'ai joué. Pourquoi t'as abandonné? T'es-tu un quitter? Tes decks bleus étaient cheap. Non, moi, c'était plus la fin de ma carrière, c'était les decks verts, moi. Les decks verts? Les elfes, ouais. Les elfes. Puis, non, mais moi... Je pense que tu vas trouver ça intéressant. Mais c'est... Magic m'a appris le capitalisme. Oh, yeah! Oh, j'aime ça! Manager les ressources, tu veux dire? Non, plus dans la cour d'école, on voyait, tu sais, les... Là, moi, la première fois que j'ai acheté un paquet, je connaissais pas grand-chose. Puis il y a des gars un peu plus vieux qui sont venus me voir, puis ils ont dit « Ah ouais, tu veux faire des échanges? Garde ça! » Fait que là, j'ai changé ma rare que j'avais dans mon... Contenu cossin qui avait des gros chiffres c'est dessus. C'est ça. Puis ouais, là, j'ai compris. Puis là, tu t'allais pleurer ou la surveillante de Disney. Ils m'ont volé. Donc là, après ça, j'ai compris. Il y en avait d'autres plus faibles que moi. Puis leurs parents leur achetaient des cartes en français Black Border. Puis là, on leur échangeait ça. Puis, ah oui. Mais les Black Border, ça veut dire que c'est la première édition, souvent. Ouais. En tout cas, c'est donc, une affaire officielle. Ça m'a appris le capitalisme. Wow. Ouais. C'est pas parce que tu joues pas à Magic que t'as pas d'anecdotes sur Magic. Hein? Non, mais écoute, j'ai joué pendant 3-4 ans de ma vie. Check. Tu t'es fait tatouer un... Pèse là-dessus. Pèse. Tu t'es blessé en jouant à Magic? Non, toi, ça te fait rien? Ben, c'est un peu dégueu. Mais... OK. Mais d'habitude, le mot, ils font... Je pensais que c'était une blessure de Magic. C'est une blessure. T'as la force de me taper, là. T'es colline. Puis toi, t'es du genre, mettons que t'as comme une fin de semaine de 3 jours à meubler, là. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Le Jules traditionnel, là, mettons dans son élément à lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je te dirais que ça dépend de la saison, mais j'aime bien aller en campagne. Ah! Ouais. De la famille, ces affaires-là. C'est quoi pour toi la campagne? C'est pas Saint-Jérôme? Dans les cantons de l'Est. OK, c'est ouais. Bon. C'est correct. Ça passe. Sinon, je sais pas, me saouler la gueule, peut-être aller faire un peu de musique, des trucs comme ça. OK. T'sais, quel genre de musique tu joues, genre? J-pop. Il dit du hip-hop. Puis d'ailleurs, on va aller écouter une toune à toi, hein? Ouais. C'est ça qu'on va faire. Merci, Jules, d'être passé. Peut-être un mot de la fin. Tu veux rappeler à nos auditeurs des choses en français? Non. Je veux juste vous dire que les gens qui suivent les Fils de la Liberté, on va être de retour en septembre après des vacances bien méritées. Brrr, de la plug, si. J'aime ça quand tu fais ça. Convergence, hein, let's go. On passe au clip qui s'en vient. Merci beaucoup, Jules. C'est quoi la toune? C'est MCK? Ah, ben, je peux peut-être en parler 2 secondes. Ben ouais. Excuse-moi. Ben non, il fait tout le temps des phases ça, de c'est l'idée de cette tune-là, en fait, c'était par rapport à tous les arguments débiles qu'on entend pour dire « Ah oh, non, on veut pas se séparer parce qu'on va perdre notre argent Canadian Tire parce que... » Fait que là, on a poussé ça au maximum. Tu sais, on va perdre Shania Twain. Shania Twain. Fait que c'est comme une tune à 4 personnes où on se fait une conversation où on argumente. C'est bon. Voilà. Sur le pourquoi de... Ça s'appelle nos belles montagnes rocheuses, en fait. Ah, voilà. C'est la chose qu'on va perdre, les montagnes rocheuses le plus. Précieux, ouais. Ouais, c'est sûr. Merci, Jules. On écoute ça. Le Québec, ça, c'est pas... Juste parce qu'il ne laisserait même pas la plante meurtre. Oh, pas rien que ça. Moi, c'est parce que, gros, la reine Elisabeth, on aurait pu... On perdrait chez Loca. On perdrait Shania Twain. On perdrait la Ligue canadienne de football. On perdrait le Parlement britannique. On prendrait nos forêts d'érable. Oh, puis les grands coups d'Ontarien, le gros, ils naisseraient où à peur qu'on se dit l'une, ça. Yo, fais-moi pas perdre mon temps, fucker, avec tes belles montagnes rocheuses, j'en ai plein mon Casper. Yo, fais-moi pas perdre mon temps, fucker, avec tes belles montagnes rocheuses, j'en ai plein mon Casper. La séparation, il faut faire attention, on va perdre notre nation, on va toutes perdre nos pensions, Air Canada, ou ben Via Rail, qu'est-ce qu'on va faire, puis le transport, les fédérales, puis ses passeports. Là, c'est clair qu'ils pensent fort avec les conneries que tu viens de dire. Je vais te cogner du bain vite comme si je t'aime pas les sous mes fils. 95, le référendum était dans poche. Je m'en rappelle bien, j'avais 10 ans, je lisais des mangas. Parler d'indépendance, je suis pas censé. Je suis influencé par Claude Charron pis Claude André. À gauche centré, je suis de ceux qui peuvent pas s'y faire. Je veux des toits verts avant que le Québec se libère. Pour moi, t'es juste un vert solitaire, un gauchiste plein air qui se porte pour roi de l'univers. Avec ta morale à 2 piastres, tu conduis une 2 places. Mais tout le monde sait que t'as un visage à 2 faces. Man, je voudrais pas perdre ma belle monnaie. Les séparatistes sont là, corps de cops, Axel Follet. Quelqu'un. Je veux ma reine sur mes billets de banque. Si on se sépare à ce qu'il paraît, on pourra plus rien vendre. Je veux rien comprendre, au contraire. On pourra plus se faire vendre. Prostitution de bœuf, corruption de bœuf, beaucoup d'argent sale. C'est lamentable, en regardant en dessous de la table. Tout le monde me fait confiance, je m'appelle Jean Charest. J'ai pas tellement de conserves, mais de l'argent m'en fallait. Fait que je vous mange la laine, direct sous le dos. Je suis comme le Ben Laden de Pierre-Éliott Trudeau. fuck toi pis ta commission basse t'arrache. Ton esti de fâche l'arrache en face de Georges Larac. On commence à désapprendre la peur, la désapprendre par cœur au cœur de la grande noirceur. N'était d'aucune façon illégal. Alors que les Québécois pensaient avoir un cadre légal correct qui s'était monté pour rendre honnête et correct leur consultation populaire, on leur riait en figure en disant « On fait ce qu'on veut, vos lois ne s'appliquent pas à nous ». Bonjour aux nouvelles internationales, mai a changé de place avec avril, donc ça fuck toute la phrase. Donc, pour première nouvelle, une femme au American Airlines qui s'est faite foutre à la porte de l'avion, donc l'avion a dû atterrir en urgence à l'aéroport de Kansas City. Parce qu'elle dérangeait tout le monde en chantant la pièce que vous allez entendre là. D'ailleurs, c'est son arrestation. Non, non, je suis désolé, le clip, il bug. Mais c'est pas grave, on est content. Elle chantait « I will always love you » interminablement, jusqu'au point où est-ce que le Stewart, le... Elle est tellement belle, cette chanson-là, ben, en plus. Non, pas l'hôtesse de l'air, le maréchal de volant. J'aime ça. Le maréchal volant a dû lui mettre les menottes et la sortir. Elle ne sera pas poursuivie, mais ne pourra pas reprendre l'avion pour s'en aller où est-ce qu'elle s'en allait. Ça, apprécie, hein? Ça, c'est de l'histoire, mon gars. Mm-hmm. Ça s'est passé le 9 mai. Une femme... J'ai-tu son nom? Non, j'ai pas son nom. Donc, une femme est rentrée dans un magasin de Barnes & Noble dans le Cobb Country en Californie. A été arrêté le 26 avril pour avoir volé une Bible, ce qui contredit toutes les règles dans la Bible, et elle aurait pu tout simplement aller dans une église où est-ce que généralement les prêtres adorent donner des Bibles. Non, elle ça, va, ça. Ouais, donc elle va, elle doit une amende de 1 000 $ tout simplement. Pour avoir les Jésuites en ont donné longtemps des Bibles. Ben c'est pas la chose la plus difficile à trouver d'habitude. Non. À bon entendeur. Hein, à bon entendeur, c'est ça. 1 000 $, on aurait pu faire un commerce de Bible. Ah oui. Aisément. Ouais, ou un stand. Genre un Bible stand. Et voilà. Let's go pour l'autre. On y va. Donc, au Maine, Portland, vous étiez présent, j'imagine, samedi passé, pas celui qui vient de passer, l'autre samedi d'avant. C'était le Free Comic Book Day. Donc, journée internationale de la bande dessinée gratuite. Un homme a attaqué un Stormtrooper et un Ghostbuster. Bon, à Portland, Maine. L'homme, Adam Barnes, de 31 ans, a été tasé par la police. Il était sous à 2 heures d'après-midi, a pris le Stormtrooper dans son bras et a essayé de l'étouffer et a frappé le Ghostbuster. Le Green Lantern était sur place en disant il y avait plein de gens. Il y avait plein de gens qui essayaient d'acheter des magazines et tout d'un coup, il a attaqué le Stormtrooper. Ouais. Le sergent Hutchinson a dit en 23 ans, j'ai jamais entendu un Stormtrooper ou un Ghostbuster se faire attaquer par derrière. Sûrement. L'homme est en prison, j'ai pas de photo pour vous, malheureusement. Ouais, c'est les trois premières nouvelles, les meilleures s'en viennent. Ouais, j'avoue. Bon, ben, on va passer à une petite page de publicité, puis on revient avec Boudreau qui est en tabarnak. Encore? Ah ouais. Duromax, le pare-brise vient d'éclater. Vite Durobel, rendons-nous chez Duro. Ils ont des super vitres. Duromax, notre Durobolide est déjà prêt. Et oui, Durobel, grâce à Duro, notre Durobolide est équipé d'un super kit. Un toit ouvrant, un marchepied, un porte-bagages. Duromax! Duro, tout pour le Duromax en vous. Merci, Duro. Quelqu'un qui peut vous aider. Duromax. Venez, je vous amène à l'atelier Duro. Quoi? Duro Bell, urgence, un pare-brise à réparer. Nos installateurs certifiés vous attendaient, Duro Max. Déjà? Merci, Duro. Silence, on tourne. C'est-tu épouvantable? Alors moi, je m'amuse comme une petite folle. J'espère que vous vous amusez aussi à la maison. Non, non, je me souviens pas d'avoir dit ça, t'as le craché dans la face. Moi, que ce soit pas moi qui ai dit ça, ça se peut. Tu sais, ou teaser, des fois, tu te fais teaser, tu sais, puis si t'as une bonne pression, tu sais, c'est 20 minutes de mémoire que tu perds drette, là. Hein. Je pense qu'il appelle ça des tasers, pas des teasers. Moi, je dis ça comme ça vient, je te dirais. Hey, cette semaine, j'étais en. Non, ben, viens pas. Tu sais, cette semaine, j'étais en Jordanie, un petit contrat d'enlèvement. ben c'est assez corsé là. Il fallait que je traverse une série d'épreuves là, allant de la rivière infestée d'araignées mutantes empoisonnées à l'arsenic aux pieux aiguisés qui sortent du mur pendant qu'il y a des étoiles de ninja qui revolent. Je suis resté pris dans le labyrinthe de la mort pendant 2 jours. J'ai évité de justesse l'écartèlement, la décapitation, le gala des oliviers. Tu sais, relax. Mission assez facile. Faut dire que c'est pas mal. Tu sais, c'est ça qui est le fun, travailler à son compte. Ça donnait que c'était moi qui avait installé ces pièges à visite là en 97. C'est un contrat, tu sais. Puis mon père, il disait, le monde est petit. C'était cœur, hein? En revenant de ma mission, je suis tombé par hasard sur une Christie de belle femme. Écoute, intelligente, en forme, pas peur du danger, toujours prête à l'action. Fait que j'ai pas pu me retenir, là. J'y ai dit, ah ouais, embarque dans mon TARDIS. On va te faire visiter l'univers, on va se battre contre des robots, puis on va sauver le monde. C'est là que je me suis rendu compte que inviter une femme à rentrer dans une cabine téléphonique, ça peut comme passer pour du harcèlement. On vit dans un drôle de monde. Fait que je suis arrivé vendredi soir, brûlé raide. J'ai donné de la bouffe à mon fils, un peu d'eau, mais j'ai même pas eu le courage de le sortir pour qu'il aille aux toilettes. Tellement que quand il s'est chié dessus, j'ai pas eu à force de fesser plus que 2-3 petits coups. En même temps, je savais, t'sais, en même temps, quelque part, je me disais, t'sais, ça fait quand même déjà une semaine qu'il se retient. On est humain quand même, hein? Là, j'ai dit, il faut que j'aille me coucher parce que je voyais que le flow, il commençait à tousser bizarre. Je me dis, c'est pas bon, t'sais. Tantôt, il a mangé vite, puis pour moi, il a grignoté un bout de sa couverte, puis ça passe pas, t'sais. Fait que je suis parti dans ma chambre, je me disais, s'il faut qu'il se mette à vomir, il n'a pas fini de torcher, t'sais. On va y aller au plus simple. Hein? Je nettoyerai sa cage demain. Fait que direct dodo, puis moi tu le sais que je suis quel... Pourquoi tu ris? Fait que je suis parti faire dodo, mais tu le sais, moi je suis quelqu'un qui est très très dur à coucher, tu sais. Ça me prend plus qu'un petit joint de fif puis de la pisse à 5% pour rentrer dans les bras de Morphée, hein. Fait que pour ça que je fume un joint, je bois une petite bière, je me lance avec 4 buvards, 7 amphétamines, puis une petite camomille. Hein? On parle plus alors d'une perte de conscience, tu sais, parce que moi, depuis la guerre du Golfe, je dors plus. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont donné, mais ils me faisaient 2 piqûres par jour depuis ce temps. Moi, je suis gay, pas dormi depuis 91. C'est comme ça. Anyway, quand je ferme mes yeux, je vois juste des gens qui explosent, des corps mutilés, tu sais. Ça me fait des drôles de méditation, Tommy. Sinon, samedi, ben, j'ai travaillé. Ça, c'est ma psy là, qui m'a conseillé de faire ça. Elle disait que ça me prend des activités en dehors de ma profession de psychopathe, tu sais, pour me détendre, penser à autre chose. Fait que je me suis trouvé une job. J'étais assistant gérant dans un couche-tard. Oh, le luxe! Ouais, je pense que ça t'offrait pas. Moi, je pense que ça va finir en bain de sang. Là. j'ai de la misère, moi, avec ça, le monde qui me fisse dans les yeux, le monde qui me pose plus que 2 questions, de la misère à pas leur rentrer dedans, tu sais. Fait que, de la misère dans les rapports sociaux, tu sais. Mon père, il disait, la vie, c'est une jungle, tu sais. Mais paraîtrait, hein, après moult thérapie, Tommy, qu'on est tous finalement la même espèce dans cette jungle de la vie, hein. Paraîtrait qu'on est tous humains, tu sais. C'est... des esti niaiseries qui t'apprennent de même quand tu fais des thérapies pour nécrophilie, tu sais, c'est... des esti niaiseries. En terminant, en terminant, j'ai fait du YouTube hier parce que bon, rien à faire. Des fois, tu fais du YouTube. Puis je suis tombé sur une vidéo, c'est une petite fille qui s'appelle Priscilla. OK. Écoute, le vidéo, la réalisation est excellente. Les costumes sont pertinents, de très bon goût. Les paroles sont justes et précises. Le message est clair. Je pense que on peut en écouter un bout. Je pense qu'on peut en parler en l'écoutant. C'est super bon. Tu vas comprendre pourquoi, tu sais, que j'ai passé comme toute la soirée hier à me crosser. Ah. Je te laisse là-dessus, en tout cas, c'est... OK, on écoute ça, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir, mais on va garder les micros ouverts, je pense. OK. En tout cas, merci bien gros, Mathieu, d'être passé. On va savourer le clip, là. Ça, c'est vraiment touchant. Bonsoir, bonsoir. Ah, merci pour le bacon. Ah, on te traite en luxe, là. Ça fait longtemps que t'es pas revenu. Let's go! Ben, en fait, Tommy, tu sais... bonsoir, Tommy. Bonsoir, ben, Andy. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Je suis bien content d'être invité à l'émission. Ben oui, le luxe. Un mot du beau programme. Très bon programme. Ceci étant dit, Tommy, tu sais, dans l'univers du VHS douteux, hein, on a énormément de vidéos éducatives de toutes sortes. Dernièrement, j'ai fait un petit ménage et je les ai compilées. Je voulais voir qu'est-ce qu'on avait. J'ai pas terminé et j'en suis à 176 titres. Ah, ça apprécie. Qu'on a, là. Qu'on a en main. C'était parfois la cassette originale, parfois c'est un fichier AVI qu'on a téléchargé, mais c'est des trucs qu'on a en main quelque part. Puis là, j'ai promis que j'essaierais de toutes les énumérer en moins de 5 minutes. Oh shit. Fait que je vais essayer. Parce qu'il y en a, il faut qu'ils méritent description quand même. On se lance. OK. Go. About Face Assemblies, ça c'est un suicidé raté là, qui fait des conférences là, dans les écoles. On a Cours de magie In the Streets. On a Baby Mug, ça c'est des gros plans de bébés contents avec de la musique Casio par-dessus. On a des vidéos de training, des clips vidéo Blockbuster hein, sur le service à la clientèle. Be Cool About Fire Safety. On a aussi Becoming Real Forever qui est en fait un conte sous-titré pour apprendre à lire en CGI DOS avec un lapin, man. C'est insupportable, ça dure une demi-heure. On a aussi des cours pour de débutants pour le saxophone avec le gars qui a une super coupe de cheveux. On a comment faire du rollerblade en ayant lagué avec du fluo en spandex. On a beaucoup de breakdancing, Breaking with the Mighty Popolutes. On a aussi Let's Break, Learn Breakdancing, Breaking in the USA, Breaking New York Style. On a Cheer, un cours de cheerleaders. On a Choose, un film anti-drogue canadien, en tout cas, dans une machine d'arcade, en fait. OK, ouais. Ouais, vu que c'est à l'arcade que ça se dit. Là-bas. C'est ça, exactement. Ah, ouais. On a aussi la vidéo de Workout de Cindy Crawford. On a Clipping Coupons for Profit, hein, couper les coupons circulaires. Là. Color Me Beautiful du maquillage. On a Corey Haim, Me, Myself and I, c'est Corey Haim qui parle de lui. On a Couch Potato Workout, l'aérobie de sofa. On a D-Light DVDO, ça c'est mon meilleur. C'est une petite lumière là, que tu peux jouer avec. Là, c'est la fête de magicien qui se promène une petite lumière. Là. Tu sais, une petite lumière. On a le gars se fait appeler Rocco, c'était carrément. On a Dance Workout with Barbie, Dans le doute et le désir, un vidéo éducatif avec Harvey Ovington et c'est Francis Ouellet bon, dans le rôle bon. Du boutonneux avec une petite moustache de duvet. On a les cours de Diabolo, on a Dixie Carter's Workout, Drugs Don't Make It avec Sylvester Stallone pendant le tournage de Rambo, dubé en espagnol qui nous dit que la drogue c'est mal, c'est vraiment spécial. C'est vrai que la drogue c'est on mal. On a des cours de sexe, de massage, il y en a 150 000. Des conférences de Shannon Etheridge fusionnant religion et chrétienté à travers la puberté et la sexualité. Non. On a Face Workout, ça dit tout. On a Family First, une affaire de Jesus Freak là, à la maison. L'affaire de fraude canadienne. Freaks, Nerds and Weirdos avec des entrevues avec des artistes connus pour montrer que les Weirdos, ben, ils peuvent faire l'argent. Funko Land Training Video, qui c'est devenu les boutiques GameStop, leur training en fait, des bloopers d'une série de gospel chrétienne. ça c'est vraiment ma plus fucked up. On a Grave Robbing for Morons, donc c'est deux kids de 16-17 ans qui nous montrent comment piller des tombes de bonne manière. On ouais. En bégayant avec ouais. Des espèces de taches dans la face. On sait jamais quand ça pète. Ouais, on a Diane's Horner Country Hip Hop. Ça, c'est de la danse hip-hop avec du fluo. On a aussi Home Safe avec Martin Short qui nous parle de sécurité à la maison. On a How to Beat Video Games pour des trucs pour jouer à Atari et ColecoVision. On a trois volumes. On a How to Run a Microtox qui est une machine pour trouver ce que tu as de toxique dans le sang comme pour les sportifs. Là. Comment faire marcher la machine. On a Robert Gould. Ça, je pense, c'est le fils de Satan. Il a fait la cassette How to Seduce Women Through Hypnosis. Donc, comment hypnoser les femmes pour coucher avec. On a I Gotta Go pour apprendre aux enfants à pisser. On a Intrail pour savoir c'est quoi un bootleg illégal. On a Introduction to the Lifestyle. Puis, the Lifestyle, c'est une espèce de resort d'échangisme. C'est spécial. On a It's Party Time avec la super chanson You're a Super Duper Pooper. C'est pour les ça, enfants pour qu'ils aient aux toilettes. Ouais, ça, c'est ouais. Spectaculaire. On a même une entrevue avec la réalisatrice. Le clown là, qui va les accompagner aux toilettes. Là, ouais. On a Juggle Time qui est à peu près du même niveau, mais pour jongler avec des enfants, du CGI et puis des green screen fluo. On a Jump It Jump to It. Ça, c'est de l'aérobis des trampolines, là, des petites trampolines de salon. Là. On a Kids on the Internet. Puis à chaque fois qu'ils veulent dire qu'ils vont sur des sites porno, ben à la place, ils disent And Other Stuff. Ouais, pas non, Photos of Cocks. On a Kim Silver, comment jouer avec les Nunchaku. On a Knoxville dans le Tennessee, hein, c'est leur vidéo promotionnelle pour attirer les compagnies et les petites familles à habiter chez eux. On a Cool Asthma Kids pour montrer aux Ontariens qu'avoir de l'asthme, ça peut être cool avec un cas. On a l'éducation des enfants pour les nuls, hein, vous vous reconnaissez. On a la pêche au brochet, tout savoir sur le brochet. Learn Gun Safety with Ed Eagle, qui est aussi co-animé par Jason Presley de Beverly Hills 90210, parce que les fusils, c'est mal, mais il y en a partout. OK, on manque de temps. Hein. Ouais. Line dancing for seniors. Ça fait déjà 5 minutes. Ouais, t'as busté 5 minutes. OK, sacrément. Horror Workout, Looking Good, Magic Star Travelers. Regarde, Horror on est à Workout. Moitié. Ah oui, Horror Workout, il y a de l'aérobic, des zombies puis des vampires. On a l'infopub de SodaStream, mais je sais pas pourquoi je le mentionne. Beaucoup d'hypnose, beaucoup de magie, des trucs corporatifs avec... bon, on s'en fout. Des trucs pour apprendre des trucs pour apprendre c'est quoi le lait avec des vaches en CGI. Ben là, tu dis qu'on est rendu à moitié, fait que... Il y en a... Ah, de l'aérobie en yiddish. Et je vais en nommer juste un dernier parce que c'est vrai que je pourrais continuer de même éternellement. Tu reviendras pour l'autre moitié tantôt, peut-être qu'on va avoir le temps. Ok, tu as du temps. Mais mon préféré, je viens juste de le trouver. Ça fait vraiment longtemps que je le cherchais. Je suis content. C'est Rock and Roll Machine Guns Bimbos. Puis en fait, ça, ben c'est une heure de babe en maillot de bain sexy qui tire du machine gun en commentant à quel point c'était leur première fois et qu'ils ont adoré ça. Les gros fils. Ça, c'est tous des trucs qui s'en viennent sur Douteux TV. Dans vos maisons, mes chanceux. La télé. Puis on prépare des petites projections spéciales avec ça. On travaille là-dessus, mais ça va prendre un temps. Merci bien gros, Brett. Très belle trouvaille. On s'en va écouter une affaire que j'ai découvert cette semaine. Là. Ça s'appelle Dr. Roxo Does Cocaine. Fucking Magnets. How do they work? His name is Dr. Roxo. He's the rock and roll clown. He does cocaine. And I'm afraid that's all we know. Don't you think you might have had a little too much cocaine? I do cocaine. Yes, I know. Water, fire, air, and dirt. Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? And I don't wanna talk to a scientist. Y'all motherfuckers lying and getting me pissed. Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets, how do they work? Fucking magnets. J'ai découvert Insane Clown Posse la semaine passée, en fait. Et j'ai trouvé ça spécial parce que c'est comme des gars qui font du rap depuis vraiment longtemps. Et puis, ils se prétendent real, tu sais, plus vrai que les autres. Puis, ça fait 20 ans qu'ils font de la musique avec de la peinture d'en face puis des surnoms de rappers comme Violent J puis Arthur Mob, là, en tout cas, je trouve ça weird de dire qu'on est real pis de se cacher en même temps, là. Ils ont déjà été lutteurs aussi. Ouais, sûrement. Ouais, ben, je sais qu'ils trippaient bien gros sur la lutte et ouais. Ouais, Master P a fait des matchs de lutte aussi avec eux pendant un bout de temps. Master P, man. Ouais. Insane Clown Posse. Là-dessus, on est rejoint en studio par Louis-Ernest Bois. Très content de te revoir, Louis-Ernest. Artiste torturé niveau 12. Yeah. Tu nous présentes tes nouvelles créations, ce qui t'inspire ces temps-ci? Ouais, ben en fait, ces temps-ci, on était allé dans le bois cet hiver avec mon coloc, Louis-Philippe. Puis on a ramené, c'est du bois d'arbre. Je pourrais pas dire quelle sorte d'arbre. Puis en voyant l'arbre comme ça, je me disais comme c'est beau. Ça me rappelle une conférence d'Hubert-Reeve. Donc j'ai décidé de sculpter un hommage à Hubert-Reeve, c'est-à-dire la raison pure, à l'aide de ce matériel malléable, mais à la fois dur. Puis j'ai voulu le mettre un peu comme un trophée. C'est un peu comme un genre de panache phallique. Ouais. Hein, s'il y a des gens qui connaissent pas Hubert-Reeve, d'une part, vous êtes cave. D'une autre, c'est un astrophysicien. On peut le voir juste ici. Un Québécois, en plus. Astrophysicien. Un des plus grands vulgarisateurs. C'est comme Astro le robot, mais avec physicien. Ouais, c'est, ça devient... C'est très important. Ouais. C'est lui qui a dit « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Ouais. Ça, puis plein d'autres choses super intelligentes. Hubert-Reeve a probablement un phallus incroyablement gros. C'est pour ça qu'il est aussi gros que ça. Par contre, pour mesdames qui auraient voulu l'acquérir, ou messieurs, qui sait, il n'est pas hydrofuge. Et d'ailleurs, c'est un cadeau au musée de l'absurde. Vous ne l'aurez donc jamais. Ouais, on va l'accrocher dans le studio. Ouais, dans le studio. Wow. Comme une tête de panache. Je vais subséquemment revenir installer une petite plaque disant raison pure. Raison dessus, pure, et voilà. C'est parfait, merci. Dans les cas de raison pure, nous avons aussi. J'ai fini dans ma bibliothèque parce que j'essaie de trouver d'autres exemples de gens qui utilisaient la raison pure dans leur vie. Puis j'ai trouvé mon livre de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, qui avait une jeune patiente de 19 ans, du nom de Sabrina, mm-hmm. qui était hystérique, et tout le monde le sait, l'hystérie, c'était une maladie inventée pour dire femme mal baisée. Donc, armé de raison pure, Carl Gustav est arrivé à guérir cette demoiselle. Et non seulement il l'a guérie, mais il l'a même améliorée, car elle est devenue une des plus brillantes psychanalystes de Russie. Bam. Et sapristi, hein? Armé de la raison pure. Il a donné beaucoup de raisons pures. Ah oui, elle était remplie de raisons pures. Il paraît qu'elle aimait bien ça, se faire donner la fessée puis tout. Là. Ouais, ben ils ont dit ça dans le film, là. Ouais, dans le film. Avec Aragorn, là. Je suis pas sûr, par exemple. Le film était pas si bon que ça. C'était un petit peu plate. David Cronenberg, d'habitude, fait des meilleurs films que les films qui fait qu'ils sont plates. C'est ça. Ouais. Sinon, pour compléter, parce que tu sais, je trouvais que ça faisait pas assez de phallus. Avec les pénis et tout, je pense qu'il va être un sacrame. Et Boboy. Parfois d'une horreur véritable. C'est un tableau qui s'intitule Joli cœur ou le cauchemar de Rémi. Ouais, c'est le petit singe dans Rémi sans famille, ça. Ouais, mais. À partir d'un certain épisode, je sais pas s'il y en a qui connaissent bien Rémi sans famille, mais tous les animaux meurent, sauf le singe, mangé par une meute de loups. Le singe s'étant réfugié dans un arbre, attrape la tuberculose, meurt à son tour. Ensuite, c'est l'hiver. Rémi est mis en famille d'accueil chez un vieux monsieur qui bat des enfants. Vitalis s'en rend compte, va chercher Rémi, veut vendre des instruments. Rémi pleure, ne vend pas les instruments. Puis c'est par la suite que la déchéance de Rémi arrive. C'est-à-dire que Vitalis aimait vraiment beaucoup le vin cheap. Ainsi que les putes dans le bois de Boulogne. Puis le problème, c'est que quand t'as plus d'animaux pour faire de l'argent, c'est l'hiver, les gens te donnent plus une scène, t'as plus d'argent pour payer des putes. Fait que faut que tu joues de la harpe pour essayer de les séduire. Mais avec un gamin de 8 ans pas loin à côté, caché en arrière d'un arbre, ça peut être difficile de réussir à instaurer la raison pure au sein d'une prostituée. Donc, c'est ça, le tableau est inspiré de ça, c'est-à-dire Vitalis tente de convaincre la fille de joie de bien vouloir coucher avec lui, mais quand elle aperçoit l'enfant, bon, Vitalis, qu'est-ce qui te gêne, elle se sauve, il se venge sur l'enfant, il frappe l'enfant dort, l'enfant fait un cauchemar, il rêve du phallus de Vitalis sur le singe mort, hideux, avec les pattes des insectes qui mangent le cadavre de son ami. Ça, c'est les épisodes... C'est de toute beauté, Louis-Ernest. Non, c'est les épisodes qui jouent dans ma tête quand j'écoute la série. Ben, merci bien gros, mon gars. C'est de toute beauté, ça. Ouais, on va lui trouver des endroits appropriés. Merci. Là-dessus, je pense qu'on va aller écouter d'autres petites pages de publicité pour revenir avec un autre tranche de nouvelles de notre remplaçant niveau... je me rappelle plus quoi. Là, on va checker ça. Approche. Tu sais, c'est quoi, ça? C'est lire. Ben regarde ça. Page 329. Dans le dictionnaire. À cette heure, trouve donc un petit cola. His name is Dr. Roxo. On continue en nouvelle. Salut Bruno. Salut. Je fais pas ça aussi bien que toi, je suis désolé. Antonius Hart, senior et junior, le 11 avril 2013, sont allés se chercher des ailes de poulet délicieuses dans un restaurant au service à l'auto. Partant de là, ayant payé, se rendent compte qu'ils n'ont pas leurs ailes de poulet. Retournent au restaurant, le restaurant s'excuse, leur offre les ailes de poulet. Plus ou moins satisfaits, en veulent d'autres, sort un AK-47 pour leur faire comprendre que... sont pas contents. On niaise pas avec les ailes de poulet. On niaise jamais avec des ailes de poulet. Tu niaiseras avec tes ailes de poulet, pas les miennes. Or, évidemment, la police fut appelée, la police est arrivée sur les lieux, la police a arrêté Monsieur Senior et Monsieur Junior pour assaut armé. Lors d'une entrevue, télévisée, un des passants, Tonya McCra, a admis que l'incident était folle, mais que ça pourrait peut-être augmenter ou améliorer le service à la clientèle. La prochaine fois, ils sont tous bien mieux de donner des ailes de poulet immédiatement. Sacrément. Merci. Ouais, bravo. Hein? Mais faut pas oublier qu'un AK-47, c'est une arme de défense, c'est pas une arme d'attaque. C'est vrai. Ouais. Ben, c'est une arme d'assaut. C'est défensif. Continue. Là. OK. L'association, OK, je vais le dire en espagnol, mais je suis très mauvais. Asociación de Asistencia a Personas con Cáncer, un organisme à but non lucratif du Brésil qui aide avec les gens qui ont le cancer, ont créé une nouvelle mascotte. La mascotte s'appelle Monsieur Balls. Et évidemment, son travail, c'est d'augmenter la visibilité à propos du cancer des testicules. Selon le porte-parole du AAPC et sur le site web, autant les enfants et les adultes adorent prendre des photos avec la mascotte qui est, dans le fond, un bonhomme de neige sous la forme de testicules. Regardez les belles photos. Hey, il est laid en son nom, c'est Monsieur Ball et on voit des petits-enfants très, très heureux d'être à côté de Monsieur Ball. Ils sont avec Monsieur Ball. Monsieur Ball! N'oublie pas. J'aime les doigts dans les fesses, il dit. Chatouillez-moi! Prochaine nouvelle. Let's go. Nouvelle municipale du Japon. Une ville, j'ai pas le nom de la ville où je l'ai tué. Oui, c'est pas important. Oui, une ville au Japon. C'était pas juste une ville, le Japon. Ouais. Nagisho. Makakoto. Une ville au Japon est vraiment en proie d'une grosse problématique au niveau municipal. School Reaper AG a gagné des élections en tant que conseiller municipal. Malheureusement, il ne peut pas siéger car il y a un règlement qui le force à enlever son masque. Or, School Reaper AG dit que, étant donné qu'il a été... placé là en tant que lutteur, en tant que personnage, que s'il enlevait son masque, ça détruirait complètement le message qu'il essaie d'envoyer. Il a fait beaucoup de travaux communautaires au niveau des écoles, au niveau des églises. Et d'ailleurs, son mandat, c'est d'essayer d'augmenter la visibilité au niveau des affaires sociales. Donc, lui, il s'appelle School Reaper, genre le déchiqueteur de crâne. il veut envoyer un message positif dans les écoles. OK, c'est pas School Reaper, c'est Skull Reaper. Skull Reaper, ouais, okay. Désolé. C'est bon, et parce non, que pas School Reaper. School Reaper, c'est un violeur d'école. C'est un violeur d'école. C'est School. Ben, c'est Skull. Écrit. Skull. Skull. C'est écrit, là. Ouais, mais il est écrit petit, on le voit pas, là. D'ailleurs, au Japon, c'est pas le seul conseiller municipal lutteur qui a été nommé. On a aussi, on se rappellera de Super Delphine à Osaka, et ainsi de Great Sasuke qui a été élu pour représenter la préfecture de Iwate en 2003. Donc, okay, c'est pas mode, nouveau, mais c'est la première fois qu'on force un lutteur à enlever son masque. Triste. Ben ouais, pourquoi lui, pas les autres? Ben voilà. On va passer très, très vite sur cette nouvelle-là. Il va en rester une dernière à la fin. Donc, cette nouvelle-là, c'est que c'est M. Ronald Clark, en Nouvelle-Zélande, qui a été accusé de pédophilie et de pornographie pour avoir téléchargé des animés japonais qui démontre des elfes, des pixies et des petites créatures des bois ayant du sexe. Donc, ça fait vraiment une grosse rixe là-bas parce que, bon, beaucoup de gens pro-anti-pédophilie disent que c'est juste un pas à franchir. Donc, si t'aimes regarder des petits elfes dessinés, faire l'amour, c'est du gateway porn. T'es à deux doigts de vouloir toucher des petits enfants. De vouloir violer des écoles. Absolument. Skull rape. Mais il a été accusé de possession de pornographie infantile. Même si c'était du cartoon. Ouais. Dernière nouvelle, une nouvelle enfin de vol. Je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Vol de dépanneur. Non, c'est pas un vol de dépanneur, c'est un vol de maison. Dans mon cœur, oui. Jason Vickery, 23 ans, a été arrêté pour vol et l'arsenie, c'est recel, je pense. Mm, ouais. Dans le fond, il est rentré dans une maison à Saint-Augustine, en Floride. Vickery a dit à la police qu'il est rentré à travers une porte qui était débarrée, est allé se masturber dans la chambre de bain du haut, s'est rendu compte qu'il y avait un hélicoptère télécommandé, a arrêté de se masturber, joué avec l'hélicoptère télécommandé, a mangé une salade et retourné se masturber. Et c'est là que finalement, il a entendu du bruit et est descendu le plus rapidement possible pour sortir de la maison. Et il y avait un policier qui l'attendait. Ouais. Donc, c'est une belle petite aventure. C'est lui, là? Oui, c'est lui. C'est Jason Vickery qui a arrêté de se masturber pour jouer avec une... Avec un hélicoptère puis manger de la salade. D'ailleurs, il n'y avait pas de batterie dans la télécommande. Fait qu'il était allé chercher des batteries parce qu'il avait l'air vraiment cool. Il voulait vraiment jouer avec. Mais il ne voulait pas terminer sa masturbation. Non, pas avant d'avoir joué avec l'hélicoptère. C'était complexe. Ben, merci beaucoup, Andy. C'est un plaisir. On écoute un petit clip de Syriac. C'est une des dernières affaires qu'il a faites. Et puis, on revient en studio avec Bruno. Bruno! Allô, Bruno! Dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and rabbit, elephant, turkey, bison, leopard, lion, axolotl, lizard, donkey, hippo, turtle, beaver, rhino, one that's albino. Monkey and a budget. Monkey and a budget. Platypus, jackal, buffalo, panda, dragonfly, dugong, salamander, black snake, brown snake, hiding in the grass, wallaby, penguin, mole on an ass. Cats and dogs and human dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, dolphin, boar, raccoon, puma, boar, dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and dogs and cats and thank you. C'était le gars qui explose dans Interzone. Dans Interzone, il est mort, le film il est mort de ce après soir. Ça, hein? Ouais, ouais, ben en fait, on voit ses bottines qui restent dans, à la même place, puis qu'il y a de la petite fumée qui s'en va. Là. Comme dans un dessin animé. Exactement, c'est un film assez spécial qu'on écoute ce soir. Oui, moi ce soir, j'avais pas préparé de nouvelles, fait que j'ai fait d'autres choses à la place. Ben en fait, cette semaine, j'avais rien à faire. Fait que j'ai décidé de faire une erreur en utilisant mon corps. Je dis faire une erreur parce que je savais que c'était pas une bonne idée en le faisant, mais je l'ai faite quand même. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que je suis encore en train de faire cette expérience-là en ce moment. Donc, c'est une erreur qui est en cours. Fait que j'étais dans la douche, puis comme souvent quand je suis dans la douche, ben je regardais mon pénis. Je dirais qu'il est de taille normale. Il y a déjà des filles qui m'ont dit qu'il était gros, mais c'était pour me faire sentir spécial ou parce qu'ils sont pas chanceuses d'après moi. Une autre des particularités de mon pénis, c'est qu'il est pas circoncis. D'ailleurs, je sais pas, on dit-tu qu'un pénis est circoncis ou qu'une personne est circoncis? Parce qu'on demande, on dit tout le temps, genre, es-tu circoncis? On parle-tu directement au pénis? C'est le pénis, je pense. Ou on parle. Ouais, c'est une bonne question. Il y a du monde. C'est le pénis ou c'est la personne? Puis, je pense que ça va de même parce que tu peux pas circoncire autre chose. Non, c'est ça. Il y a du monde aussi qui dirait que le pénis est comme une extension de leur être, mais je suis pas ici pour faire les louanges de du masculinisme. Moi, je me suis fait circoncire à 24 ans, puis. Quand ils me l'ont coupé, je leur ai demandé est-ce que je pourrais le garder. J'aimerais ça le fondre dans de la vitre pour me faire un presse-papier. Tu sais, ça aurait été beau d'avoir mon prépuce. Voulu, hein? Non, c'est bien dangereux. Ah, oui. Fait que bon, je suis pas circoncis. L'avantage principal d'avoir un prépuce, semble-t-il, c'est que ça rend les sensations plus intenses à cause du smegma qui garde l'humidité et qui agit comme un lubrifiant naturel. Le désavantage principal, c'est que ça fait puer de la graine. J'ai souvent d'ailleurs voulu avoir une émission à une télé amateur qui s'appellerait qui traiterait de smegma et qui s'appellerait Smegmag. Leave it, man. Donc bienvenue à Smegmag. Fait que bon, on va parler de mon expérience un petit peu. En tant qu'homme pas circoncis, je me demande souvent qu'est-ce que ça ferait d'être circoncis. Fait qu'en sortant de la douche vendredi dernier, j'ai décidé de pas rabaisser mon prépuce. Je suis donc en ce moment pseudo-circoncis depuis presque 4 jours. Non, mais t'es un fake, là. Ouais, je te jure. Non, ça marche pas, man. Non, ça marche pas. Continue ton expérience. Pseudo-circoncis. Mais tu viendras pas en joindre moi et ma gang. C'est ça. Non. Fait que je suis dans une expérience en ce moment. Fait que on va y aller tout de suite. Jour 1. Je sors de la douche. Je sors de la douche, puis je m'entoure la serviette autour de la taille. Vraiment pas longtemps. Puis là, je dis « fuck off », puis je me rends à ma chambre tout nu. Première mauvaise décision, j'essaye avec des boxers. Je me rends compte tout de suite que c'est clairement pas ça la bonne idée. Je switch au bobette, pardon. C'est pas confortable, mais c'est mieux. Fait que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille dans un restaurant, puis je travaille ce soir-là dans un restaurant, fait que je me dis que j'ai crissement pas choisi ma journée pour commencer cette affaire-là. Ouais. Ben, t'es sauté dans le bain, dans l'eau bouillante d'un coup. C'est ça. Fait que être debout, c'est aussi inconfortable qu'être assis, je dirais. Okay. Marcher, c'est douloureux. Descendre des escaliers, c'est agonisant. Au point où, quand j'embarque sur mon bail puis que je commence à pédaler, je fais comme « Ah, c'est pas super! » Oh shit, hein? J'arrive au resto, puis en montant l'escalier, c'est là que je ressens la pire douleur possible. C'est comme si quelqu'un te passait une lime sur ses yeux. J'arrive pas à trouver une analogie. C'est comme si quelqu'un te frottait un tissu rough sur le gland. Le chiffre avance, puis je me dis que je vais peut-être réussir à oublier la douleur. Mais non, c'est là, c'est toujours avec moi. Je rentre chez moi. J'arrive en vélo, je m'assois sur mon lit, puis là, je pogne une érection. C'est de même, hein? Ouais. Fait que je m'assois, puis je regarde mon pénis en érection, un peu fasciné par ce qui est en train de m'arriver, puis perplexe devant mon engagement, devant cette idée aussi stupide. Je vais remettre ta bannière qui dit que t'es éditorialo-journaliste. C'est bon. je pars mon érection, puis je vois pour la première fois une espèce de fine couche de peau sèche par-dessus mon gland, comme fripée un petit peu. Ça me semble moyennement alarmant, mais je m'en contrarie pas. D'habitude, je suis un dormeur tout nu, mais là, c'est clairement pas une option. Jour 2. Fait que c'est quoi tu fais? Je mets des bobettes. Tu remets pas le prépuce, non, tu mets des bobettes. Non. Faut que tu protèges le prépuce. Puis il a jamais glissé, comme t'as pas eu non. de gaffe? Non. Non, il y a moyen, c'est ça. Ça, moi, jusqu'à date, ça m'est pas arrivé. Ben voilà, on continue. Bon, jour 2, la peau sèche est partie, fait que je suis un peu soulagé. La corne est en train de se faire. Ouais, c'est ça. Je prends une douche, je laisse le tout sécher. J'arrive toujours pas à marcher avec une serviette autour de la tête, fait que je la mets comme demain, puis je marche jusqu'à ma chambre comme ça. Cette journée-là, faut que j'aille faire l'épicerie, fait que... contrairement au resto, où est-ce que je peux comme me replacer la graine de même, tu sais, dans des espaces camouflés, et me laver les mains immédiatement s'il après. S'il vous plaît. en faisant mon... c'est un peu tough dans une épicerie de trouver des coins où est-ce que personne ne regarde. Fait qu'à chaque fois qu'il faut que je le fasse, c'est comme si je regarde vraiment longtemps puis j'essaie d'éviter l'aller des bonbons. Tout ça dans l'intérêt de la science, encore. Oui, oui, oui, exactement. Ça me fait penser au gars qui s'était rasé la moitié de la face. Oui, oui. Ouais. Puis qu'il ça pognait un peu plus dans le vent. Puis que finalement, c'est vrai que ça garde la face au chaud, la barbe. Là. Ça me fait penser à Herbie Moreau qui avait fait un reportage pour le Grand Journal jadis. Puis il avait été... vivre dans une boîte de carton coin Saint-Laurent-Saint-Denis. Puis là, il faisait à croire qu'il était un pauvre puis qu'il était. Il est donc bien hardcore, Herbie Moreau. Ben, ben toi aussi, t'es hardcore. Ben là, il a été souffré pour le journalisme. Oh, oui, c'est ça. Fait que tout ça, c'est suivi d'un shift au resto. C'est un peu la même routine que la veille. Je finis de travailler à minuit, puis là, c'est l'anniversaire d'un de mes chums qui habite entre chez moi puis ma job. Fait que je vais faire acte de présence pendant 3 heures avant mon shift de 8 heures au parking le lendemain matin. L'alcool fait partir la sensation désagréable peu. Jour 3. J'ai pas le temps de prendre ma douche parce qu'il faut que j'aille faire mon shift au parking qui va durer 12 heures. Puis je me rends vraiment compte que ça marche, là, ça sent rien. Rien, j'ai comme aucune odeur autour. Je me suis pas lavé, puis d'habitude, comme ça sentirait comme le. Smegma. Le pénis. Mais là, ça sent rien. Le shift de 12 heures de parking, ça se passe bien, ça dure 12 heures. Je t'assis. Bon, jour 4. Pour c'est vrai, aujourd'hui, ça. Ouais, c'est aujourd'hui. Pour vrai, à matin, je trouve que la sensibilité devrait être moins intense, mais non. C'est pas mal pareil. J'ai un tournage à 8h30 le matin. Faut juste que j'évite le heavy lifting, les escaliers, les tapes à graines dont les comédiens sont si friands. Ouais? Ah ouais? Je pense pas pouvoir être là à l'émission, mais finalement, je me libère à temps de mon tournage pour venir faire ma chronique de nouvelles. Mais là, j'apprends qu'Andy a préparé des nouvelles, fait que je parle de mon pénis. Ben, ça reste des nouvelles. Oui, oui. C'est un reportage. Oui, fait que si vous voulez que je fasse d'autres erreurs avec mon corps, vous pouvez m'envoyer vos suggestions à Bruno Erreur. À commercial@gmail.com. T'as fait un Gmail? Oui, là, 2 minutes, là. Bon, ben, soyez le deuxième. Alors, après Tom qui vous souhaite la bienvenue. Bruno Erreur au singulier @gmail.com si vous avez des suggestions d'erreurs à faire sur mon corps. Je vais rien couper, là. Fait que ben, sauf des poils, ouais, ça cool, ça peut être des conneries que vous voulez que j'aille faire aussi, là. C'est correct, là. Oh, je suis bien open. Mettons, manger du jello fraise avec des patates puis des pickles. Ouais, ça, c'est aucun problème. Avec ça. Mettons, faire ça pendant une semaine, genre. Non, non, ben non. Ben là, sinon c'est plat. Ben là, c'est con. Ah ben ok, d'abord. En tout cas, merci Bruno, c'est super cool d'être passé. Donc ça nous amène à la fin de ce 70%. Je vous laisse avec une petite toune de Corey Hart et puis juste après, on va parler du film de ce soir dans le nouveau segment de 70% qui s'appelle Comprendre. Pau, merci. On est frères de prépuce, même. Ouais.